Donc, bonjour mes frères et sœurs, et cette semaine, comme il avait été dit, nous allons faire quelques études sur les anges. Pourquoi j'ai décidé de faire cela? C'est tout simplement parce qu'une personne qui m'a demandé si je pouvais faire quelques vidéos afin de mieux comprendre les anges et de mieux répondre à ceux qui parlent des anges avec eux. Depuis quelques années, il y a une espèce d'engouement pour les anges. On les voit apparaître un peu partout, dans les livres, dans les films, dans les émissions de télévision. On parle des anges et souvent, malheureusement, on en parle sans connaissance, sans avoir interrogé le livre qui parle des anges, qui est la Bible, sans interroger celui qui a créé les anges, qui est Dieu. Donc, nous allons regarder ça un petit peu ensemble. Nous allons commencer par la prière. Notre Père du ciel, nous te demandons que tu puisses nous guider pendant ces quelques jours sur l'étude des anges, de ces êtres qui sont des fois pas toujours facile à cerner. Des fois, il y a des questions qu'on a à leur sujet et on ne trouve pas toujours les réponses qu'on aimerait ou qu'on voudrait. Donc, on te demande de nous guider à travers les Écritures, à travers ta parole, afin qu'on sache bien qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font et qu'on puisse aussi partager à ceux qui nous entourent des vérités à leur sujet. Pour te glorifier, toi, le Créateur de toutes choses. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Donc, les anges sont-ils des créatures? Les anges sont-ils des êtres autonomes? Les anges sont-ils égaux à Dieu et même mieux que Dieu? J'ai vu un film il n'y a pas tellement longtemps qui présentait un ange comme étant ayant plus de compassion que Dieu pour les êtres humains. Certains croient qu'il y a des anges gardiens pour chacun de nous. Certains pensent que les anges peuvent nous répondre à nos prières. Certains croient qu'ils peuvent parler aux anges, demander de l'aide aux anges. On va essayer de répondre à différentes questions là-dessus. Je suis pas en train de dire qu'on va répondre à toutes les questions. Je ne crois pas que la Bible non plus répond à toutes nos questions sur le sujet. Mais elle nous en donne assez pour savoir comment on doit se comporter avec eux. La première question qu'on doit s'interroger, qu'on doit se demander, est-ce que les anges sont des créatures? Est-ce qu'ils ont été créés? S'ils ont été créés, automatiquement, on est obligé de déclarer qu'ils ne sont pas Dieu, qu'ils ne sont pas des dieux. Parce que Dieu n'a pas été créé. Il est le seul comme cela, qui n'a pas été créé. C'est une de ses attributs, c'est une de ses définitions. Pour être Dieu, il ne faut pas avoir été créé. Des fois, je dis, tout ce qui a été créé n'est pas Dieu. Et tout ce qui n'a pas été créé est Dieu. Et ça, il y en a juste un, c'est Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Nous allons regarder ça ensemble. Sont-ils des créatures? Et vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de versets dans la Bible, j'en vais en mettre un, mais il n'y a pas beaucoup de versets dans la Bible qui nous parlent que les anges ont été créés, comme on a dans les premiers chapitres de la Bible, où ce que l'homme a été créé. Mais quand on rouvre la Bible dans la première page, dans Genèse, on retrouve, dès les premières pages, Les anges sont là. Mais on ne nous dit pas qu'ils ont été créés directement comme Dieu a créé les cieux, la terre, les oiseaux, les animaux, les étoiles, la lune, le soleil. Ils ont créé toutes choses visibles. Mais l'invisible, il nous en parle pas dans les premiers chapitres de la Genèse. Mais je crois qu'ils ont été créés et qu'ils ne sont pas égaux à Dieu, mais qu'ils sont inférieurs à Dieu. Et même si on n'avait pas de verset qui nous dirait qu'ils ont été créés, il y a d'autres versets, d'autres vérités qui nous amènent à croire et à comprendre qu'ils ne sont pas Dieu, qu'ils ne sont pas égaux à Dieu. Donc, le premier verset qu'on va lire ensemble, c'est dans Colossiens, chapitre 1, verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Donc ici, dans ce passage, nous voyons que Dieu a créé, ou ici dans le contexte, on devrait dire Jésus, a créé toutes choses dans les cieux et sur la terre, les choses visibles et les choses invisibles ont été créées par Jésus et pour Jésus. Donc, dans cela, je crois personnellement que les anges sont inclus. Les anges font partie des choses qui ont été créées dans les cieux, les choses qui sont invisibles à l'œil des hommes ou à nos propres yeux, nous qui sommes des créatures terrestres et humaines. C'est le verset que j'ai. On pourrait vraiment en trouver d'autres qui parlent de cela aussi, mais je crois que c'est un verset qui est assez explicite et qui est assez clair. Donc, s'ils ont été créés, ils ne sont pas Dieu. Ils ne sont pas divins. Il faut apprendre à se comporter envers eux comme des êtres non divins. Et des fois, sans s'en rendre compte, nous faisons de certaines créatures, angéliques ou humaines, des êtres divins. Des fois, on ne dit pas qu'ils sont divins, mais la façon qu'on en parle, la façon qu'on se comporte envers eux, on les divinise. Et ça, c'est grave. La Bible appelle ça de l'idolâtrie. Donc, il faut vraiment faire certain qu'on ne divinise pas aucune créature visible ou invisible. Parce que Dieu, dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, condamne ceux qui ont adoré les créatures, visibles ou invisibles, au lieu d'adorer le Créateur. Peut-être, certains vont dire, mais j'adore pas les anges. Mais de la façon dont on se comporte, de la façon dont on en parle, on les adore. On les adore. On les traite comme des dieux, quand ils sont seulement que des créatures. Une autre chose qu'il nous faut comprendre et qui nous montre qu'ils ne sont pas des dieux, c'est ce qui est écrit dans le chapitre 19 de l'Apocalypse, 19, verset 10. L'apôtre Jean dit ceci: Je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit: Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Cette même vérité est répétée dans Apocalypse chapitre 22, verset 9. S'ils étaient divins, ils accepteraient l'adoration des êtres humains. Mais à quelques reprises dans la Bible, certaines personnes veulent les adorer, mais les anges refusent catégoriquement « Ne m'adore pas. Je suis un serviteur de Dieu comme vous êtes aussi les êtres humains, des serviteurs de Dieu. » Donc, adore Dieu seul. Adore Dieu seul. Parce que la Bible nous demande, nous ordonne d'adorer seulement Dieu, notre Créateur. C'est ce que le premier commandement de Dieu nous dit, tu adoreras Dieu seul. Donc, eux autres mêmes nous disent qu'ils ne sont pas divins par le fait qu'ils refusent d'être adorés. Une autre chose qui va nous montrer qu'ils ne sont pas des dieux ou qui ne sont pas divins, mais qui sont des créatures, c'est que eux adorent Dieu. Et ils adorent Jésus. Nous retrouvons cette vérité dans l'Apocalypse au chapitre 7, verset 11. C'est écrit au verset 11, « Et tous les anges se tenaient autour du trône, les vieillards, et des quatre êtres vivants, ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ». Donc, s'ils étaient divins, ils demanderaient de l'adoration et ils n'adoreraient pas Dieu et Jésus. Donc, automatiquement, les anges eux-mêmes se déclarent non Dieu, non divin, parce qu'ils refusent l'adoration et qu'eux-mêmes adorent Dieu, adorent Jésus. Donc, on voit jamais dans la Bible que Dieu s'adore lui-même. L'adoration est due à Dieu par toute créature de Dieu. Tout ce que Dieu a créé et qu'il y a un homme, qu'il y a un esprit qui vit. Et donc, les anges et les êtres humains doivent adorer leur créateur. Donc, ceci nous montre aussi qu'ils ne sont pas divins, qu'ils ne sont pas Dieu. Cette vérité est répétée dans chapitre 1 de l'Épître aux Hébreux, au verset 6, où est-ce que Dieu demande aux anges d'adorer Jésus. Donc, ils adorent. Toute créature qui adore Dieu, ben, n'est pas Dieu, n'est pas divin. C'est important qu'on comprenne bien ça. Parce que tout à l'heure, on va dire, s'ils ne sont pas divins, il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas faire. Mais nous, des fois, les êtres humains, on leur demande de faire ça. Et ça va contraire à l'enseignement biblique. Une autre chose qui nous démontre qu'ils ne sont pas divins, c'est qu'ils sont des serviteurs. On l'a vu tout à l'heure dans l'Apocalypse chapitre 19, nous sommes des serviteurs, comme vous les hommes, on est des serviteurs de Dieu. Et on va lire ensemble un verset qui dit ça très clairement, chapitre 1 de l'Épître aux Hébreux, au verset 14. L'auteur parle des anges et il dit ceci, « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. » Donc, ils sont tous des esprits, en parlant des anges, dans le contexte, si vous voulez aller lire les premiers 13 versets du chapitre, il parle des anges et dit, « Les esprits au service de Dieu. » Ça, c'est, on pourrait donner des dizaines et des dizaines et des dizaines de versets dans la Bible qui répètent cette vérité. Ils sont des serviteurs de Dieu. Donc, le serviteur n'est pas Dieu. Le serviteur est une créature de Dieu créée pour servir Dieu. Et on voit dans ce même texte, on va en parler un peu plus loin, ils sont là pour servir les êtres humains. Ils sont pas au service des êtres humains, ils sont au service de Dieu pour servir les êtres humains. Donc, Dieu les envoie faire des choses auprès des êtres humains, mais ils ne sont pas, eux, au service des êtres humains. On va voir ça une autre journée. Ils sont des serviteurs de Dieu. Donc, ils ne sont pas divins. Ils ne sont pas divins. Ils sont des serviteurs de Dieu. Ils ne sont pas égaux à Dieu. Et une autre vérité, dans 1 Pierre 3, 22. Il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Donc l'auteur dit ici que les anges ont été soumis à Jésus. Donc, c'est des êtres soumis, des êtres qui sont là dans la soumission envers Dieu, dans la soumission envers Jésus. Donc, il y a d'autres versets qui parlent de cette même vérité-là dans la Bible. Ils sont des créatures, ils sont serviteurs, ils sont soumis à la personne de Dieu et à la personne de Jésus. Donc, ils ne sont pas divins. Nous allons arrêter là aujourd'hui et on va continuer demain à écouter d'autres versets qui vont nous amener à voir qu'ils ne sont pas divins. Et à cause qu'ils ne se sont pas divins, ça nous force à ne pas faire certaines choses envers eux et ne pas croire qu'ils peuvent faire certaines choses pour nous. Mais pour le moment, ce que nous avons vu jusqu'à date, ils ne sont pas divins parce qu'ils ont été créés, parce qu'ils ne refusent l'adoration, parce qu'ils adorent eux-mêmes Dieu. Ils sont des serviteurs de Dieu. Ils sont soumis à Dieu. Donc, ils sont loin d'être divins. Ils sont des créatures invisibles qui, certaines fois, ont pris des formes visibles pour s'adresser aux êtres humains de la part de Dieu. Notre bon Père du ciel, merci de ce que tu nous as enseigné ce matin par rapport à une des créatures que tu as créées, les anges. Donne-nous l'obéissance pour les traiter selon ce que tu les as créés, les traiter comme des créatures et non pas des êtres divins. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.